75e leçon. Une consultation efficace. Le docteur Azoulay est non seulement médecin, mais un peu psychiatre aussi. Un jour, un homme entre dans son cabinet en se plaignant de maux de tête affreux. Alors, dit le docteur, ça dure depuis combien de temps ? Depuis que je suis au monde. Enfin, depuis quelques années. Et vous avez mal maintenant ? Oh que oui, docteur. J'ai terriblement mal depuis... depuis 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je suis guitariste dans un groupe de hard rock. Et où habitez-vous ? J'habite à côté de l'aéroport d'Orly depuis 5 ou 6 ans. Le docteur a compris depuis longtemps. Il se lève et va à un placard d'où il sort une énorme scie. Bon, on va examiner votre cerveau pour voir. Ce n'est pas la peine, docteur. Je me sens mieux depuis 2 minutes. Au revoir. Exercice. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Vous sentez-vous mieux ? Oui, depuis hier, merci. Il aime ça depuis qu'il est au monde. Vous avez mal maintenant ? Oh que oui. Il est non seulement psychiatre, mais aussi psychologue.